إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous poursuivons aujourd'hui l'explication du livre من كنوز القرآن الكريم من كنوز القرآن الكريم للشيخ العلامة شيخنا عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه. Donc dans les cours précédents par rapport au livre, comme on vous l'a expliqué, c'est que le cheikh en fait il va expliquer certains passages du Coran, et pas tout le Coran bien sûr. Et le cheikh lui en fait il va mettre en évidence ce qui lui a apparu parmi les trésors du Coran. C'est pour ça qu'il a nommé son livre Min Kunuz el Qur'an. Comme on l'a déjà expliqué, le terme Kunuz qui est le pluriel de Kanz. El Kanz c'est bien sûr El Kanzu, c'est le trésor. D'où en fait le titre du livre. Et le cheikh, comme on l'a dit, après avoir expliqué Al-Fatiha de façon complète, donc ça on a vu l'explication, et on a terminé l'explication de cette sourate, il a commencé avec sourate Al-Baqarah. Et il nous a dit donc qu'il allait en fait prendre certains passages de sourate Al-Baqarah. Donc quand on dit passage, bien sûr, ça peut comprendre plusieurs versets à l'intérieur d'un seul passage. Ce n'est pas en fait des versets, mais on va dire des passages qui vont contenir en fait plusieurs versets. Et on avait dit par rapport à Surat al-Baqarah que le cheikh en fait il avait pris exactement 22 passages. Il a pris en fait 22 passages. Et ensuite de suite il va passer donc à Surat Ali Imran, Surat al-Nisa, etc. Et à chaque fois il va prendre en fait des passages et il va mettre en évidence les trésors qui se trouvent à l'intérieur de ce Coran. Donc la semaine dernière, en commençant sur la Surat al-Baqarah, on avait expliqué en fait le premier verset. On avait expliqué le premier verset Alif Lam Mim. Et on avait vu en fait quelle était la signification de ce qu'on appelle al-huruf al-muqatta'a, c'est-à-dire les lettres en fait qui ont été séparées et qui viennent en début de combien? De 29, comme on avait expliqué, de 29 sourates du Coran. Et donc on avait expliqué en fait quelle était la hikmah, quelle était en fait la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait qu'il ait commencé certaines sourates de son Coran, de son livre, par ces lettres-là. Et donc on s'était arrêté à l'explication. Donc le premier verset aujourd'hui, ou le deuxième verset, c'est le suivant. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est-à-dire en langue française, le sens, la signification approximative de ces versets, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Donc le terme ici raib, le terme qui est expliqué ici la raib, raib en fait c'est bien sûr ashak. Marna ar-raib c'est ashak. Donc en fait marna la shak kafi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute au sujet de ce livre. Et bien sûr ashak c'est le contraire de al-yaqin. Le shak son contraire c'est al-yaqin, c'est-à-dire la certitude. Et c'est pour ça en fait que ce terme-là revient par rapport à la religion. Pourquoi? Parce que le shak, le doute, il est interdit au niveau de la religion. Et c'est même pour ça que parmi les conditions d'acceptation de la ilaha illallah, c'est-à-dire kalimat al-tayyiba, kalimat al-tawhid, c'est pour ça que parmi ces conditions d'acceptation, al-yaqin, c'est-à-dire qu'on ait la certitude lorsqu'on dit cette parole qu'il n'y a bel et bien pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça en fait que ça fait partie, al-yaqin, ça fait partie des conditions. Et le contraire bien sûr de al-yaqin, c'est-à-dire de la certitude, c'est ashak. C'est quoi? C'est ashak. Donc il n'est pas permis, il est interdit aux musulmans d'avoir un doute, que ce soit par rapport au livre ici, ou que ce soit par rapport à la religion de façon générale. Wa shakku kufrun, c'est-à-dire que le doute fait sortir de l'islam, le doute et le kuf et la mécréance. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihi إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى آخر الآية. Et qu'est-ce que veut dire ce verset? إنما المؤمنون. إنما, c'est pour l'exclusivité, c'est-à-dire les vrais croyants, ceux qui sont exclusivement des croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son prophète. ثم لم يرتابوا, c'est-à-dire ensuite, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas eu de doute. Ils n'ont pas eu de doute par rapport à cela. Ils n'ont pas eu de doute. Lam yartabu. Yaqul Allah, dhalika al-kitab. Dhalika al-kitab. À partir de là, al-kitab, donc on voit en fait qu'il y a le alif ou al-lam. Donc c'est ce qu'on appelle, au niveau de la langue, c'est ce qui est défini. Donc ici, le livre, il est défini et il n'est pas indéfini. Il est défini et il n'est pas indéfini. C'est-à-dire al-kitab. Donc à partir du moment où il est écrit al-kitab, avec le alif al-lam, on va comprendre en fait que c'est un terme qui est défini. Et le shir, en fait, à partir de là, il va expliquer, il va donner son explication. Et il nous dit en fait que le alif al-lam fihi lil-ahd, ay al-kitab al-ma'hud fi-esh fil-adhan. Et c'est ce qu'on va appeler en fait al-ahdu al-dhihni. On va voir en fait qu'il y a deux sortes de ce qu'on appelle ici al-ahd. Al-ahdu al-dhihni ou al-ahdu al-dhikri. On va donner des exemples et ça va nous permettre en fait de comprendre aussi un des procédés au niveau de la langue arabe de façon générale et aussi au niveau du Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, bien entendu, il a été descendu dans une langue arabe moubine, c'est-à-dire très claire. Lorsqu'on dit en fait al-ahd, c'est-à-dire que lorsqu'on dit ici ou lorsqu'Allah Azzawajal dit al-kitab, Allah Azzawajal, il veut par là un livre bien précis. Il veut un livre bien précis. Et lorsqu'on dit fil adhan, vous savez qu'al adhan, qui est le pluriel de adhan, au niveau de la langue arabe, ça veut dire, on peut traduire en fait cela par la compréhension. On traduit aussi adhan par la raison, parce qu'il par la raison, par l'intellectuel, etc. Mais ici, lorsqu'on dit al-ahd, adhani, on veut dire par là la compréhension. C'est-à-dire qu'on va comprendre alif ou al-lam, ou qu'on va comprendre exactement ici que ce livre qui est connu, un livre qui est connu ici, que ce livre-là, on va le comprendre par rapport en fait à notre compréhension. C'est-à-dire la compréhension qu'on va avoir à partir du verset. Donc en fait ici, c'est une question de compréhension. Alif ou al-lam ici va venir où on va pouvoir connaître le livre à partir en fait de quoi? À partir en fait de notre compréhension. C'est pour ça qu'on dit en fait al-ahdu al-dhihni, c'est-à-dire quelque chose qui va être connu, qui va être défini et que l'on va connaître à travers notre compréhension. Et en fait le shir ici, il nous dit que al-kitab ou al-qur'an, Allah Azza wa Jal a voulu par ce livre al-qur'an, et en fait c'est ce qu'on comprend à travers le livre, c'est ce qu'on comprend en fait à travers le Coran, lorsque ensuite Allah Azza wa Jal va continuer les versets. ويقول الشيخ قد جاء ذكر الكتاب في القرآن كثيرا والمراد به القرآن العظيم من ذلك في أول سورة آل عمران ويونس ويوسف والرعد والحجر والشعراء والنمل والقصص. على كل حال il va nous donner plusieurs exemples de sourates où vient le terme al-kitab, et qu'on veut par ce terme là, qu'Allah Azza wa Jal veut par ce terme quoi? Il veut en fait Al-Qur'an, c'est-à-dire le Coran. C'est pour ça que le shir également il nous dit fi surat Maryam, il y a un verset qui est rappelé 5 fois, ou une partie d'un verset qui est rappelé 5 fois, c'est Wavkur fil kitab. Wavkur fil kitab, c'est-à-dire rappel dans le livre. Le livre ici, bien entendu, c'est le Coran. Et c'est pour ça que le shir il nous a dit que lorsqu'on entend ce terme Al-Kitab, il revient souvent à quoi? Et de par notre compréhension, on va comprendre que c'est en fait le Coran. Et ça, c'est souvent dans le Coran. Bien entendu, ce n'est pas tout le temps. Et c'est pour ça qu'ensuite, le shir, il va nous dire que également par le terme Al-Kitab, Allah Azza wa Jal veut dire aussi Al-Tawrah, comme il va nous donner des exemples. C'est-à-dire la Torah, le livre qui est descendu sur Moïse et qui est descendu sur les Juifs. Non. Ensuite, yaqul al-shir, wa ja'a dhikru al-kitab bil-lafz al-mufrad muradan bi al-jins ay al-kutub, مثل قولي تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والكتاب Le cheikh, en fait, il va nous expliquer que également, lorsque vient le terme Al-Kitab dans le Coran, ça veut vouloir dire aussi le jar. Ça veut vouloir dire le jar. C'est ce qu'on appelle en fait Al-Jins. Muradan bi Al-Jins. Et ça, on l'avait déjà vu dans les cours sur les repères de la Sunna, ou sur le livre Les repères de la Sunna. On avait déjà expliqué cela. Et en fait, donc à partir de là, il arrive que dans certains versets, lorsqu'on dit Al-Kitab, Allah Azzawajal veut dire par là l'ensemble des livres. C'est pour ça qu'on dit le jar. Le livre, le jar, c'est-à-dire le jar des livres d'Allah, c'est-à-dire tous les livres d'Allah. Et donc le verset qu'il va nous citer, c'est aussi dans surat Al-Baqarah, et c'est le verset 177. La traduction du verset: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc on voit ici que le terme n'est pas venu au pluriel, c'est-à-dire Wal-Kutub, mais il est venu au singulier, Al-Kitab. Et donc, Al-Muradu bihi jins Al-Kitab, c'est-à-dire l'ensemble de tous les livres. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que tu dis en fait le livre, mais tu veux dire par là, le jar qui est le livre. Et donc, tout l'ensemble va entrer dedans, à l'intérieur de ce terme-là, tout l'ensemble des livres. Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre cela. Et donc, dans l'exemple qu'il nous a donné le shir, sur la 177 de la vache, on voit ici que le terme Al-Kitab, ça veut dire tous les livres. C'est-à-dire que bien sûr, le croyant, celui qui a cru en Allah et au jour du jugement, au jour dernier, également aux anges et également aux livres. C'est-à-dire qu'on va traduire en fait, si on prend au niveau de la traduction, à tous les livres qu'Allah Azzawajal il a descendus, ceux que l'on connaît et ceux que l'on ne connaît pas. Ou également wa nabiyyin. Donc on voit en fait que an-nabiyyin, le terme qui est après, c'est-à-dire les prophètes, est venu au pluriel, et le terme qui est venu avant, c'est-à-dire le livre, ou al-kitab, c'est au singulier, Al-Kitab au singulier, et Al-Murad Ubi, donc on aurait dit c'est l'ensemble des livres. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est-à-dire que Al-Kitab, il peut vouloir avoir aussi cette signification. Mais on va le comprendre en fait, et les savants Al-Mufassiroun, ils vont nous l'expliquer d'après bien sûr la compréhension et d'après l'exposition min siyaq al-aya, c'est-à-dire d'après l'exposition du verset. Comment le verset est exposé, à partir de là on va comprendre la signification du terme Al-Kitab. Il nous donne un autre exemple aussi, le shir, toujours pour vouloir dire que Al-Kitab, ça veut vouloir dire l'ensemble de tous les livres. Yaqul Allah Azza wa Jal, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. Al-Kitab. Donc également ici, suivant l'exposition du terme dans le verset, on va comprendre que Al-Kitab, ça veut vouloir dire tous les livres. Et donc le verset, c'est il est fi surat kadhalik al-Baqarah, les gens formaient à l'origine une seule communauté, une communauté croyante. Puis après leur divergence, c'est-à-dire après leur divergence, entre parenthèses, Allah envoyait des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leur divergence. Et donc, bien sûr, ils ont traduit ici le livre, et le livre, ça veut dire l'ensemble de tous les livres. C'est-à-dire l'ensemble des livres. Quand Allah Azzawajal a envoyé des prophètes, a envoyé des envoyés, des prophètes, des messagers, Mubashirin wa Munzirin, c'est-à-dire qui font bonne annonce et qui mettent aussi en garde, il les a envoyés. C'est-à-dire qu'il n'a pas envoyé, qu'il n'a pas fait descendre le même livre pour chacun, mais que chacun va avoir en fait un livre. Donc à partir de là, on comprend que Marna El-Kitab ici, ça veut dire l'ensemble des livres. Donc ça, c'est important à voir et à comprendre pour comprendre en fait ce terme-là, et qu'il a plusieurs significations suivant en fait son exposition dans les versets. Taïb, il nous donne encore un autre exemple, le Shir, et c'est le dernier verset qu'il donne comme exemple. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. Et le terme ici encore, Al-Kitab, ça veut dire l'ensemble des livres. Al-Kutub, l'ensemble de tous les livres, comme on a dit. C'est pour ça que le shaykh يقول والألف واللام فيها لإستغراق الجنس. C'est-à-dire لإستغراق الجنس, c'est-à-dire que tous les livres ou tout le jar en fait, ce jar là qui est le livre, vont être compris dans ce terme-là, Al-Alif wal-Lam, Al-Kitab. Et le verset, celui-là, c'est Fil Hadid, c'est-à-dire Surat le Fer, et qui est le verset 25. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance. Donc le livre ici, il marque tous les livres. Et également, le Shir, il va nous donner un exemple. Il va nous même nous donner deux exemples que Allah Azzawajal, dans le même verset, il va citer deux fois Al-Kitab. Deux fois il va citer Al-Kitab. Une fois, il va vouloir dire Al-Qur'an, et une fois, il va vouloir dire l'ensemble des livres. Donc maintenant, on a vu en fait deux exemples par rapport au terme Al-Kitab, avec l'Alif ou Al-Lim, Al-Lam, Al-Kitab, Allah, et Allah Azzawajal, dans deux versets dont le Shir va nous donner les exemples, hein, Allah Azzawajal va faire apparaître en fait ces deux termes, et que chaque terme va revenir à ce qu'on comprend de lui. Le premier verset c'est Surat An-Nisa, et c'est le verset 136. Surat An-Nisa, et c'est le verset 136. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Donc on voit en fait ici dans le verset, il y a deux fois le kitab dont Allah عز وجل cite الكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. C'est-à-dire, Ya ayyuhallazina amanu, ô vous les croyants, croyez en quoi? En Allah et son messager. Wal kitab allazi nazzala ala rasulihi. C'est-à-dire le livre que nous avons fait descendre sur, le livre qui a été descendu sur son prophète. Et bien sûr, le prophète ici, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc son livre, c'est quoi? Le premier wal kitab, c'est bien sûr Al-Qur'an. Al-alif wal lam lil'ahdi dhihni. Donc c'est Al-Kitab, ici la compréhension que l'on a, c'est bien sûr le Coran. Et ensuite, Wal-Kitab illadhi anzala min qabl. Et donc maintenant, le deuxième livre ici, Wal-Kitab, c'est Al-Maqsoud Jins Al-Kitab. Ay Jami' Al-Kutub Al-Munazzala min indillahi subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tout l'ensemble des livres. La deuxième qui nous donne le shir, c'est fi Surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah, c'est le verset 48. Surat al-Ma'idah, c'est le verset 48. يقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Surat al-Ma'idah 48. Et sur toi, Muhammad, c'est-à-dire وأنزلنا إليك, c'est-à-dire le maqsoud Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Donc bien sûr, quel est le livre qui a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Al-Qur'an. Donc on voit ici en fait Al-Dhihn, parce qu'on dit le terme Al-Ahd al-Dhihni, on voit bien ici que c'est par compréhension. On comprend de tout à fait de façon claire d'après ce verset-là que le maqsoud bil-kitab ici c'est Al-Qur'an. Bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab, c'est-à-dire pour confirmer le livre qui était avant. Et donc, le deuxième ici, Al-Kitab, le deuxième terme qui est employé, c'est pour dire en fait aussi l'ensemble des livres. Tous les livres qui sont descendus avant le Coran, en fait, il les confirme. Et on avait vu le terme, qu'est-ce que voulait dire Musaddiqan, et on avait vu aussi le terme, qu'est-ce que voulait dire Wa Muhayminan Alay, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Donc, bien sûr, au niveau de la traduction, lorsque vous lisez le Coran en traduction, vous allez voir que c'est singulier, mais il faut comprendre ici que Al-Maqsoud et la signification, c'est l'ensemble de tous les livres. C'est l'ensemble de tous les livres avec le Alif ou Al-Lam qui est bien sûr annexé au terme Kitab. Ensuite, يقول الشيخ رحمه الله وجاء في القرآن كثيرا ذكر الكتاب مرادا به التوراة والألف واللام فيه للعهد الذهني. Donc il reprend encore cette expression que l'on a expliquée. C'est-à-dire que dans plusieurs passages du Coran, il nous explique le shir que Al-Murad Al-Kitab, donc bien sûr avec l'Alif Wal-Lam, on veut par là Al-Torah, c'est-à-dire la Torah qui est descendue sur qui? Bien sûr sur Moussa, qui est descendue pour les Juifs. Et donc, à partir de là, le shir va nous donner des exemples. Il nous dit Fafil Baqara fi mawdi'ain, c'est-à-dire fi surat al-Baqara dans deux endroits. Fil An'am, fi surat al-An'am, les bestiaux, dans deux endroits aussi, fi mawdi'ain. Wa fi Hud, c'est-à-dire dans surat Hud, wal Isra, wal Mu'minun, les croyants, wal Furqan, wal Qasas. Wa kadhalika Sajda, wa Safat, wa Fusirat, wa ghayri dhalik. C'est-à-dire, dans beaucoup de versets, le maqsoud bi al-kitab, c'est al-Torah. Comment on va le comprendre? Comme on a dit, en revenant en fait à la compréhension du verset en lui-même, et en regardant comment le verset est exposé, dans quel contexte il a été placé, ce terme al-kitab. Le shir, il ne nous a pas donné des exemples en fait à partir de là. Simplement, on va donner un exemple. On va donner un exemple. Et wa fi surat al-Baqarah, يقول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Et ça c'est le verset 44. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre, êtes-vous donc dépourvu de raison? Ici, al-maqsoud bi al-kitab et ce qui va venir avant et ce qui va venir après dans les versets, et lorsque Allah Azza wa Jalla emploie le terme al-kitab, c'est bien sûr la Torah. Pourquoi? Parce que le verset qu'on regarde un peu avant, on remonte un peu avant les versets, on voit que Allah Azza wa Jalla parle de qui? De Bani Israël, et il parle aussi de Moussa alayhi salam. Donc à partir de là, on comprend que le livre ici al-maqsoud c'est Torah, c'est la Torah. Donc voilà en fait les exemples que nous a donné le Shir. Ensuite le Shir, rahimullah wa ta'ala, hafidhallah wa rahimullah kadhalik, n'am. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Yaqul wa ja'a fil Qur'an dhikru al alif wal lam fil kalimati muradan biha al ahd al dhikri. Donc maintenant le alif et le lam, lorsqu'il va être annexé à un mot, il va vouloir dire en fait autre chose ici. C'est-à-dire qu'on va comprendre quel est ce mot-là, c'est-à-dire que le mot va être défini, qu'on dit bien sûr le alif ou le lam, le mu'arraf, c'est-à-dire que il va être, à partir du moment où on met le alif ou le lam devant le terme, bien sûr, ça veut dire qu'il, à partir de là, il devient défini avant qu'il ait été défini. Si par exemple je dis roulamoun, roulamoun, je crois que ça c'est une règle qui est connue de tout le monde, inshallah. Lorsque je dis roulamoun, ça c'est indéfini, je ne sais pas quel est le jeune homme à qui je fais allusion. Et lorsque je dis el-roulamou, c'est-à-dire le jeune homme. Lorsque je dis el-roulam, lorsque je dis roulamoun, un jeune homme. Et lorsque je dis el-roulamou, c'est-à-dire le jeune homme. El-roulamou, le jeune homme, avec alif ou al-lam, le jeune homme. Donc, je veux dire quelqu'un bien précis. Je parle d'une personne bien précise. Comment on va le savoir ça? Comment on va savoir quelle est la personne dont je parle? À partir de là, comme il avait dit le Shir, la première catégorie, c'est de le savoir en fait par compréhension. C'est-à-dire comme dans les versets qu'on a vus par rapport au terme Al-Kitab, on a compris que c'était Al-Murad, soit le Coran, ou soit Torah, ou soit l'ensemble des livres. Taïb. Maintenant, pour ce qui est de cette catégorie dont on va nous parler maintenant le Shir, qui s'appelle Al-Ahd al-Dhikri, un rappel. C'est-à-dire lorsqu'on dit le terme Dhikri, c'est-à-dire que ce terme-là, Al-Roulam, à l'exemple du Roulam, on va voir l'exemple, c'est-à-dire que ce terme-là, ce mot-là, il a été déjà cité auparavant. Donc on sait en fait que par le terme, à l'exemple d'ici Al-Roulam, c'est le jeune homme que j'ai voulu ou dont je fais allusion et dont j'ai cité auparavant. C'est-à-dire durant ma parole, j'ai parlé de quelqu'un. Taïb. Cette personne-là, après, quand je parle d'elle, je dis Al-Roulam. Et je veux dire par là celui qui était cité auparavant. Donc c'est un rappel en fait. Je rappelle quelle est la personne et je mets l'alif ou l'âme pour dire en fait que c'est cette personne dont je suis en train de parler, que j'ai parlé précédemment. Et c'est pour ça que le Shir, par rapport à ça, pour nous donner l'exemple, il nous donne en fait l'exemple de la sourate la caverne, le Kaf, et qui est le verset 80. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَأَمَّا الْغُلَامُ, c'est-à-dire, pour ce qui est du jeune homme, فَكَانَ أَبَوَاهُ, c'est-à-dire ses deux parents, c'est son père et sa mère, ses deux parents étaient des croyants. Donc le terme al-roulam, c'est avec l'alif ou al-lam. Comment on va savoir de qui Allah Azzawajal, à travers ce verset du Coran, il parle? Donc à partir de là, on va revenir en arrière, on va faire donc un rappel et on va voir que le verset qu'il y a un peu avant, c'est hatta idha laqiya roulaman faqatala. Hatta idha laqiya roulaman faqatala. C'est-à-dire que ce verset-là, حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ, c'est Surat al-Kaf, c'est-à-dire jusqu'à qu'il ait rencontré, un jeune enfant et il le tue. Ce verset-là, il a été cité en fait avant, il a été cité au verset 74. Alors que وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, il a été cité au verset 80. Donc on s'aperçoit en fait que, qu'est-ce qui va se passer ici? On va revenir au verset précédent pour savoir quel est en fait al-maqsoud bil roulam. Et le roulam en fait, c'est-à-dire celui qui a été tué. Taïb. Par contre maintenant, par rapport au deuxième exemple qu'il nous a donné le shir, wa amma al-jidar fa kana li roulamain yatimain, il va nous donner en fait l'explication. Il va revenir donc au verset qui est avant, wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda, ensuite ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. Donc on comprend ainsi ici que le terme al-jidaru, elle avec l'alif wal-lam dans le verset, avec l'alif wal-lam, wa amma al-jidaru fa kana li ghulaman yatiman, et ensuite fa wajada fiha jidaran yurida an yanqadda, jidar, Jidar, ici, il est bien sûr indéfini. Alors que d'après, dans le deuxième verset, ou le verset qui a suivi, il est bien sûr défini. Donc on comprend ici que c'est Al-Ahd al-Dhikri. C'est-à-dire qu'on va se rappeler, on va savoir la définition, ou qu'est-ce qui est voulu par ce terme qui a été précédé par l'Alif wal-Lam, qui était annexé à l'Alif wal-Lam en revenant au verset d'avant, et donc en faisant un rappel. En faisant en fait un rappel. C'est pour ça qu'on appelle Al-Ahd al-Dhikri. Un autre exemple qui nous donne le shir, un exemple qui est simple. Fa'asa fir'aoun al-Rasoul. Fa'asa fir'aoun al-Rasoul. C'est-à-dire, Pharaon a désobéi au prophète. Al-Rasoul. Avec l'alif ou l'âme ici. Al-Rasoul. Taïd, quel est le maqsoud bi al-Rasoul ? On va revenir un peu en arrière, justement, juste au verset d'avant. Yaqul Allah Azzawajal, Kama arsalna ila fir'aoun al-Rasoulan. Rasoulan. Et le maqsoud bi, bien sûr, al-Rasoul, c'est Moussa. Moïse. Lorsqu'on voit Fa'asa Firaoun al-Rasoul, on voit en fait que l'alif wa l'âme de al-Rasoul va être défini par rapport à la citation qui est auparavant. C'est-à-dire qu'on a cité le terme indéfini un peu avant. En continuant par rapport à cette règle-là, le Cheikh va nous donner maintenant un autre exemple. Il va nous donner un irtilaf, c'est-à-dire une divergence des savants par rapport en fait à un verset du Coran. Par rapport à un verset du Coran. Et donc on va l'expliquer, ça nous permettra en fait de comprendre ici, de façon encore plus précise, quelle est cette règle qui est appuyée. C'est-à-dire une règle qui est en relation avec le alif wal-lam, avec le alif wal-lam. Donc on voit en fait que le alif wal-lam, lorsque le terme devient défini, il est précédé par le alif wal-lam. Il est défini, comment on va savoir quel est le maqsoud, c'est-à-dire ce qui est voulu par ce terme-là, on va soit le savoir par compréhension, l'ilahad al-dhihni, ou soit on va le savoir en revenant en fait au texte un peu avant. C'est aussi par rapport à la parole, c'est-à-dire quelqu'un qui parle, lorsqu'il parle d'une personne comme à l'exemple Al-Roulam, ou lorsqu'il parle du Al-Jida par rapport au mur, on va savoir en fait que le mur ou que le jeune homme qui est concerné ici, c'est celui que la personne a cité auparavant, au début de sa parole en fait. Donc ça c'est important à comprendre, et on va savoir ici, on va comprendre ici une des règles, on va l'appliquer en fait par rapport à savoir quelle est en fait la parole la plus forte ou la vie la plus forte par rapport à un verset du Coran. Tayyib, yaqul Allah azza wa jalla fi kitabi, et c'est l'exemple que nous donne le shir. Fa idhan salakha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikin haythu wajadtumuhum. C'est fi surat at-tawba. Et c'est le verset numéro 5. Surat al-Tawba, c'est le verset numéro 5. La tarjama, c'est-à-dire le sens du verset, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Fa'idhan salakh al-ashhurul hurum, faqtulu al-mushrikin haythu wajadtumuhum. C'est-à-dire, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Quel est maintenant le maqsoud, quelle est la signification du terme Al-Ashhurul Hurum? On voit ici que lorsqu'on dit les mois sacrés, Al-Ashhurul Hurum, on voit que le terme Al-Ashhur, qui est bien sûr le pluriel de Shahr et qui est donc les mois, ou Al-Hurum, qui veut dire bien sûr Al-Hurum, qui veut dire sacré, qui a un caractère sacré, on voit qu'il est précédé le terme ici par le Alif ou Al-Lam, ça fait sur la Tawbah, le verset 5. Al-Ashhurul Hurum. Par le alif wallam, al-ashhurul hurum. Donc, quelle est ici maintenant la signification? Qu'est-ce qu'a voulu dire Allah Azzawajal par le terme al-ashhurul hurum? Il y a en fait, à partir de là, irtilaf des savants. Il va y avoir en fait une divergence par rapport aux savants. Et là, en fait, on va voir qu'on va appliquer la règle pour savoir quelle est la parole, en fait, ou la vie, on va dire, le plus sûr, ou le plus fort. Yaqul le shir, mubash al-atan, c'est-à-dire qu'il va donner la vie. Il va donner son avis directement au shir. Yaqul fa inna raji'un ila al-arba'a fi qawlihi fasihu fil ardi arba'at ashhur. Ça c'est le verset qui se trouve fi Tawba, et c'est le verset numéro 2. Donc trois versets juste avant. Fasihu fil ardi arba'at ashhur. C'est-à-dire parcourir la terre durant 4 mois. Il faut savoir en fait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mouchriquins, les associateurs, il y a en fait une trêve. Il y a une trêve de 4 mois. Et durant ces 4 mois, c'est ce qu'on appelait en fait al-ashur tasir wal-imhal al-mouchriquins. C'est-à-dire durant ce temps-là, les associateurs, ils ont été en fait en paix par rapport à la communauté musulmane ou par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de qital, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de guerre entre eux durant, bien sûr, ces quatre mois. Et c'est fait en fait un acte qu'il y a eu. C'est l'acte donc qu'il y a eu. Donc l'irtilaf ici, فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومِ, c'est-à-dire après que les mois sacrés expirent, est-ce que le mourad ici, c'est les quatre mois sacrés que l'on connaît et qui sont en fait cités dans le verset suivant, مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُومِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Vous savez qu'Allah Azzawajal, il a créé 12 mois. Et que parmi ces 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés. Il y en a 4 mois qui sont sacrés. Et ces mois-là, comme vous le savez tous, c'est Dhul-Qi'ada, Dhul-Hijja, Al-Muharram wa Rajab. Al-Muharram wa Rajab. Donc ça, c'est les 4 mois qui sont connus au niveau de l'islam, la religion de l'islam, et qui sont considérés comme sacrés. Dhul-Qi'ada, Dhul-Hijja, Al-Muharram wa Rajab. Ça, c'est les 4 mois. Tayyib. Maintenant, l'irtilaf des savants. Est-ce que les 4 mois ici, qui sont cités dans Fa'idan Salah al-Ashhurul Hurum, est-ce qu'ils reviennent en fait au verset qui se trouve un peu avant, c'est-à-dire parcourez Fasihu fil ardi arba'at ashur, c'est-à-dire parcourez la terre durant 4 mois. Parcourez la terre durant 4 mois. Et ces 4 mois-là ne sont pas les mêmes 4 mois sacrés. Ces 4 mois-là, il faut savoir qu'ils ne sont pas les mêmes 4 mois sacrés. Ces 4 mois, en fait, qu'il y a eu entre les musulmans et entre les mouchriquines de paix, en fait. C'est-à-dire ces 4 mois-là. Et qui sont, en fait, des mois qui sont différents des 4 mois sacrés. Même si ça tombe, un des mois va tomber, bien sûr, durant le mois sacré. À la Kulihal, ce ne sont pas les 4 mois. Donc, on voit qu'il y a une différence entre le verset Minha Arba'atun Hurum, Dalika Dinul Qayyim. Ça, c'est les 4 mois qui sont connus et qui sont constants et qui sont considérés comme sacrés au niveau de la religion musulmane. Par contre, dans le verset Fasihu fil Arbi Arba'at Ashur, c'est-à-dire parcourir la terre durant 4 mois, ces 4 mois, ce sont les 4 mois bien précis qu'il y a eu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque-là entre les mouchriquines et entre les musulmans. Donc, certains savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'en fait, dans le verset Fa'ilan Salah al-Ashurul Hurum, verset qui se trouve après, Fisurat Toba, verset 5, ils ont dit qu'Al-Maqsoud ici, c'est les 4 mois sacrés que l'on connaît, Minha Arba'atun Hurum. Et ça, c'est l'avis de Ibn Jarir al-Tabari, Imam al-Mufassirin. Ibn Jarir al-Tabari, comme vous savez, son tafsir al-Tabari. Ça, c'est l'avis en fait de Ibn Jarir. Lui voit en fait que Ibn Jarir, ces 4 mois-là, Fa'ilan Salah al-Ashurul Hurum, c'est-à-dire qu'après que les mois sacrés soient expirés, il dit que ce sont les 4 mois en fait sacrés que l'on connaît et qui sont constants au niveau de la religion, musulmane. Et le Shir, lui, il a vu, et c'est en fait l'avis aussi de Ibn Kathir, il dit aussi que c'est l'avis de Ibn Abbas fi riwayat al-Awfi anhu, wa kadhalik qala Mujahid wa Amr ibn Shu'ayb wa Muhammad ibn Ishaq wa Qatada wa Suddi, et d'autres savants que le Shir va citer. Lui, il voit en fait le Shir, et donc ça, c'est l'avis des savants qu'il a cités. Les 4 mois, ce sont les 4 mois qui sont simplement cités un peu avant dans le verset. Et maintenant, il va appliquer donc la règle. لِأَنَّ عَوْدَ الْعَهْدِ عَلَى الْمَفْكُورِ أَوْلَى مِنْ مُقَدَّرِ. لِأَنَّ عَوْدَ الْعَهْدِ عَلَى مَفْكُورٍ أَوْلَى مِنْ مُقَدَّرِ. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tout simplement, il veut dire que le fait que l'on va, on a vu ici que c'est الْأَشْرُ الْحُرُمِ الْأَلِفُ وَالْلَامِ, le fait qu'on les fasse revenir aux 4 mois qui sont cités juste un peu avant dans le verset, et qui sont donc dans le verset Fasihu fil ardi arba'at ashhur. On voit ici que arba'at ashhurin, c'est indéfini. Donc après qu'il ait été indéfini, il va être cité défini. Fa'idan salakha al-ashhurul hurum. Et que ça a été en fait un rappel, ça a été en fait cité un peu auparavant dans la sourate. Eux, ils voient le shir. En appliquant donc cette règle, eux, al-maqsoud, c'est donc ces 4 mois. Ces 4 mois-là qu'il y a eu entre les. De paix où il n'y a pas eu de combat entre les al-mushrikin, les associateurs et les musulmans. Et bien sûr, à titre d'information, vous savez que les quatre mois sacrés, donc comme on l'a dit, Dhul-Qi'da ou Dhul-Hijja, Muharram ou Rajab, les savants en fait disent que durant ces 4 mois, le péché est encore plus important que dans les autres mois. Wa'arvam. Le péché, c'est une chose qui est compté contre nous, bien sûr, qui est compté contre nous. Mais durant ces 4 mois, il est encore plus important. Et ça, en fait, c'est, ça revient par rapport aux amens. Comme vous savez que aussi le péché, par rapport à Nisbatil Makan, c'est-à-dire par rapport au lieu, lorsqu'on fait un péché dans le haram, il est plus important qu'un péché qu'on va faire en dehors du haram. Par rapport ici, c'est le temps. C'est-à-dire des péchés qu'on va faire durant ces 4 mois vont être plus importants que les péchés qu'on va faire en dehors de ces 4 mois. Qu'on va faire en dehors de ces 4 mois. Tout ça pour simplement parce que ces 4 mois ont un caractère sacré. Ensuite, يقول الله عز وجل هُدًى لِلْمُتَّقِينَ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, c'est-à-dire une guidance, c'est un guide pour les pieux. C'est un guide pour les pieux. C'est une guidance pour les pieux. يقول الشيخ رحمه الله المتقون هم الملازم لتقوى الله والتقوى في اللغة من الوقاية وهي أن تجعل بينك وبين الذي تخاف وقاية تقيك منه كما يتقي الإنسان الشمس باتخاذ ما يظل من حرها والبرد وبلبس الألبسة الثقيلة. Et ensuite le chien nous dit وأما في الشرع فتقوى الله أن يجعل العبد العبد بينه وبين غضب الله وقاية تقي منه وذلك بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات فالمعنى اللغوي هي أعم. طيب. Le chien, en fait, il va nous expliquer tout simplement au niveau, il va nous donner l'explication du terme taqwa. Pourquoi? Parce qu'ici on a هُدًى لِلْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقُونَ, comme il nous dit, c'est ceux, en fait, qui ont constamment la crainte d'Allah. Donc on voit, en fait, au niveau du terme français, qu'on traduit le terme at-taqwa par la crainte. On va voir, en fait, que c'est bien sûr plus précis que ça. Bien sûr, comme on dit, traduire c'est trahir. Traduire c'est trahir. Il va nous expliquer ici le cheikh quel est le terme ou quelle est la signification du terme at-taqwa. A partir de là, donc, il nous traduit at-taqwa qui est présent dans le terme al-muttaqun. Ça, c'est l'asl. At-taqwa fil lora min al-wiqaya. Il nous dit, en fait, que dans la langue arabe, at-taqwa ça veut dire al-wiqaya. Al-wiqaya, al-wiqaya. Et ce terme-là, ça veut dire la protection. Al-wiqaya, c'est la protection. Et c'est ma'na at-taqwa fil lora, c'est-à-dire dans la langue arabe. Et ensuite, le shir, il nous dit, pour nous expliquer ce terme, il nous dit, c'est le fait que tu mettes entre toi et une chose dont tu as peur, une protection. Il nous a donné l'exemple de la personne qui se protège du soleil. Lorsqu'il se protège du soleil, il va tout simplement prendre par exemple un parapluie, le parapluie de soleil ou autre chose qu'il va mettre entre sa tête et les rayons du soleil, c'est-à-dire entre lui et le soleil. Donc ici il a pris quelque chose qui est donc le parapluie pour se protéger de quoi? Pour se protéger du soleil. Ça, en fait, c'est au niveau de la langue arabe taqwa, et c'est donc il y a mis entre lui et cela wiqaya, ce qu'on appelle wiqaya, une protection, et qu'ici dans notre exemple le parapluie. Il nous a donné aussi l'exemple du le fait de mettre des habits qui sont chauds. Pour se protéger de quoi? Pour se protéger du froid. Donc les habits chauds, c'est al-wiqaya, c'est une protection. Donc on va se protéger de par ces habits, quoi? On va se protéger, bien sûr, du froid. Donc c'est les exemples que le shir nous donne. Et ensuite il nous dit, amma fi shar, ça c'est la signification au niveau de la langue arabe. Maintenant il va nous donner la signification au niveau de quoi? Au niveau, bien sûr, de la législation. Au niveau de la législation. Il nous dit فَتَّقْوَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَضَبِ اللَّهِ وِقَايَةً تَقِيهِ مِنْهُ. La définition, c'est que le serviteur, il place entre lui et quoi? Et la colère d'Allah. بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَضَبِ اللَّهِ, entre lui et la colère d'Allah, une protection qui va le protéger. Il va se protéger de par cette protection de quoi? De la colère d'Allah. أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية تقي منه. Et comment cela? وذلك بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. C'est-à-dire en accomplissant ce qui est ordonné et en s'éloignant de ce qui est interdit. Ça, c'est معنى التقوى في الشرع. C'est-à-dire au niveau de la législation. Que le serviteur mette entre lui et la colère d'Allah une protection. Et cette protection-là, وَذَلِكَ بِمْتِفَلْ مَأْمُرَاتِ, c'est-à-dire cette protection-là, c'est faire ce qui est obligatoire, accomplir ce qui nous est ordonné et s'éloigner de tout ce qui nous est interdit, des interdictions, de tout ce qui est prohibé. Ensuite, le shérif nous dit que, et ça c'est une règle de façon générale, on a vu qu'on a donné la définition au niveau de la langue arabe et ensuite on a donné la définition au niveau de quoi? Au niveau de la législation. Il faut savoir qu'une définition d'un terme qui est employé dans la au niveau religieux, c'est au niveau de la législation, il est en principe restreint, plus restreint ou plus spécifique que la signification qui est donnée dans la langue arabe. C'est pour ça qu'il nous dit falmarna tati falmarna lorawi huna am, c'est-à-dire la signification du terme ici taqwa au niveau de la langue est plus générale que la signification au niveau de la législation. Tout simplement parce que ça rentre dans une spécificité, c'est plus spécifique. C'est pour ça qu'il nous dit wal marna shar'i juz'un min juz'iyat al marna al lughawi. Wa kathiran min ta'til ma'ani al shar'iyya ajza'un min al ma'ani al lughawiyya. Mithl as-sawm. Il va nous donner maintenant des exemples. C'est-à-dire qu'il nous dit le shirk que tout pratiquement dans la plupart des cas la signification législative ou la signification au niveau de la religion va être une des parties de la signification de quoi ? De la langue, au niveau de la langue. Taïb, ça c'est de façon générale. Donc, la signification religieuse ou législative est une partie de quoi ? De la signification littérale, c'est-à-dire au niveau de la langue arabe. Il nous donne un exemple, cher. Il nous donne as-sawm. Vous savez tous ce que veut dire le terme as-sawm, yani as-siyam, c'est-à-dire le jeûne. Yaqul fa'inna yutlaq fil lughati ala kulli imsakin. C'est-à-dire qu'on veut dire par ce terme-là au niveau de la langue arabe quoi? Kullu imsakin, c'est-à-dire toute abstention. C'est-à-dire même le fait de s'abstenir de n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on s'abstient de façon générale de tout, on appelle ça as-sawm. On appelle ça en fait le jeûne, le jeûne. يقول ويطلق في الشرع على إمساك مخصوص والإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طروع الفجر إلى غروب الشمس. Donc il nous dit le shir ici que maintenant au niveau de la législation, bien sûr, il a une signification qui est plus restreinte. Et c'est en fait le fait de s'abstenir ici, l'abstention va être plus spécifique. L'abstention c'est quoi ? C'est s'abstenir en fait de boire et de manger, c'est-à-dire qu'il y a des boissons et des nourritures et de tout ce qui fait rompre le jeûne à partir du commencement de l'aube, min tulu' al-fajr, au moment où l'aube se lève, du lever de l'aube, jusqu'à que le soleil se couche, la ghurub al-sham, jusqu'au coucher du soleil. Ça, on l'a vu dans les cours aussi de Siyam, on a expliqué cette définition de façon précise. À partir de là, on voit donc que l'imsak, c'est l'abstention de quelque chose qui va être précis. Alors qu'au niveau de la langue arabe, littérale, c'est l'abstention de tout, de façon générale. Donc ici, c'est plus spécifique et c'est en fait une des parties de la signification de la langue. Il nous dit aussi l'exemple du al-hajj. Al-hajj, vous savez ce que ça veut dire al-hajj? Lorsqu'on dit al-hajj au niveau de la langue arabe, ça veut dire al-qasd, c'est-à-dire la détermination que l'on a lorsqu'on veut faire quelque chose. C'est ça al-qasd. Je suis déterminé, j'ai l'intention de faire quelque chose, ça c'est al-qasd. C'est marna al-hajj. Donc au niveau de la langue arabe, lorsqu'on dit al-hajj, c'est al-qasd. Taïb. Al-Hajj ou Al-Qasd, Taïb. Au niveau maintenant de la législation, au niveau du Shar, il nous dit c'est Qasd al-Bayt al-Atiq wa al-Tawaf bihi wa al-Ijan bi sha'air mu'ayyana. C'est-à-dire, au niveau de la langue arabe maintenant, au niveau à fond de la législation, c'est donc être déterminé ou être déterminé à aller où ? À aller donc à la maison sacrée et de tourner autour d'elle et de faire tous les rites qui sont précis. Qui sont précis, bien sûr, à quoi ? Au pèlerinage. Donc ça, on voit que c'est en fait la détermination qu'on a, elle est plus précise que la détermination au niveau de la langue arabe et qui va être plus générale, c'est-à-dire la détermination de toute chose. Et ensuite, le troisième exemple, mithl al-umra. Lorsqu'on dit al-umra, vous savez ce que ça veut dire au niveau de la langue arabe? Al-umra, al-umra c'est al-ziyara. Al-umra au niveau de la langue c'est al-ziyara, c'est-à-dire la visite. Al-umra au niveau de la langue, ça veut tout simplement dire al-ziyara, la visite. Et au niveau de la législation, c'est ziyaratul bayt al-atiq li tawafi bihi wa sa'i bayna as-safa wal marwa. Au niveau de la législation, ça va être donc une des parties de la signification de la langue arabe et bien sûr bien plus spécifique qu'elle. Et c'est en fait la visite de la maison sacrée, bien sûr, pour tourner autour d'elle, tawaf, et ensuite faire sa'i, c'est-à-dire faire le parcours entre les deux montagnes que vous connaissez, as-safa wal marwa. Donc on voit les exemples ici qui nous sont donnés. Donc on voit que le terme, lorsqu'il est employé au niveau de la langue arabe, il est plus général que le terme lorsqu'il est employé au niveau de la législation. Le même terme employé au niveau de la législation. Et ça, on va dire que c'est en fait c'est logique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Shara, la législation musulmane, a pris en fait les termes de la langue arabe. A pris les termes de la langue arabe. Pourquoi ? Parce que le Coran, est descendu en langue arabe et que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était un arabe et qu'il parlait en langue arabe. Donc à partir de là, les termes qui vont être pris et qui vont avoir une utilisation législative viennent d'où ? Viennent de la langue arabe. Donc c'était logique que dans la langue arabe le terme sera plus général que son utilisation dans quoi ? Dans la législation, dans la religion. Non. Et il nous dit le shir au niveau de la taqwa. Il va parler au niveau de la taqwa. Il dit le shir wa taqwa Allah وصية للأولين والآخرين. قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Ça c'est في سورة النساء, c'est le verset 131. C'est le verset 131. Craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Donc ça en fait, c'est al-wasiya, c'est la recommandation qu'Allah Azza wa Jal a fait à cette communauté comme il a fait aux communautés précédentes. Donc c'est la wasiya, c'est la recommandation d'Allah Azza wa Jal. Quoi ? La crainte, de craindre Allah Azza wa Jal. Ça c'est sa recommandation, que ce soit au premier et au dernier, ceux qui nous ont précédés et ceux qui viendront. Il nous dit le shir wa bayyana Allah an taqwahu khayr zad fa qala wa tazawwadu fa inna khayr zad taqwa. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal? Ça c'est fi surat al-Baqara, c'est le verset 197. Il nous dit mais vraiment la meilleure provision est la piété. Nam, mais vraiment la meilleure provision est la piété. Donc au niveau de la langue arabe, zad, ce qu'on appelle en fait la provision. Et il nous dit Allah Azza wa Jal wa tazawwadu, c'est-à-dire prenez vos provisions. Fa inna khayr az-zadi at-taqwa, c'est-à-dire mais vraiment la meilleure provision, en nous rappelant que la meilleure provision c'est quoi? C'est la piété. Donc zad c'est la provision. Wa tazawwadu fa inna khayr az-zadi at-taqwa. Wa rattaba kulla khayrin wa sa'adatin fi ad-dunya wal akhirati 'ala at-taqwa. Fa qala wattaqullaha wa yu'allimukum Allah. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الأنفال. Il nous a donné donc un premier verset et ce verset là واتقوا الله, craignez Allah et Allah Azza wa Jal vous enseignera. Et dans le deuxième verset, ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, c'est bien sûr le discernement. ويجعل لكم furqana, wal furqan c'est le discernement, c'est-à-dire discerner entre le bien et le mal. Ça fait partie en fait des fruits de la taqwa. Parmi ces fruits là, c'est qu'Allah Azza wa Jal, comme il nous est cité ici, il va nous donner en fait le discernement, c'est-à-dire que la personne pourra discerner entre le bien et le mal de par sa piété en Allah Azza wa Jal, la piété qu'il a, la crainte qu'il a d'Allah Azza wa Jal. Et également wa yukaffir ankum sayyatikum, il va absoudre en fait nos péchés et nous pardonner, wa yaghfir lakum et nous pardonner, tout ça grâce à la taqwa, grâce à la crainte d'Allah. Wa yaqul Allah Azza wa Jal wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ça aussi c'est important. C'est que celui qui craint Allah Azzawajal, Allah Azzawajal, comme il nous dit ici, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. C'est-à-dire celui qui craint Allah, Allah Azzawajal va lui donner une issue qui est favorable. Une issue qui est favorable, makhraja. Et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. C'est-à-dire que la personne qui craint Allah, Allah Azzawajal, il va lui donner son rizq. Il va lui donner son rizq, et ce rizq-là, il va venir d'une porte qu'il ne s'attendait même pas. Ça en fait c'est un des fruits de la taqwa, c'est un des fruits de la piété, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Quiconque craint Allah cependant il lui facilite les choses. Tout le verset précédent celui c'est sur la talaq, le 2, le 3, le 4. Allah azza wa jalla nous donne tous les fruits ici de la taqwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Celui qui craint Allah azza wa jalla, Allah il va lui faciliter les choses. Qala wa qala wa man yattaqi Allah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Ça c'est fi surat aussi at-talaq. Quiconque craint Allah cependant lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense. Il va lui accorder une grande récompense. Donc tout ça en fait, ce sont les fruits que nous a fait apparaître ici le shir à travers les versets qu'il nous a cités par rapport à la crainte d'Allah, at-taqwa. Ensuite yaqul le shir en expliquant donc la suite du verset, alladhina yu'minuna bil ghaib. alladhina yu'minuna bil ghaib, ça c'est les muttaqin, c'est ceux qui ont la crainte d'Allah. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux donc, ceux qui croient à l'invisible, ceux qui croient en l'invisible, qui croient à l'invisible, al ghaib. Et ça, le cheikh va nous insister sur ce terme al ghaib, al ghaib qui est l'invisible. Il va nous dire, va nous expliquer pourquoi en fait que Allah Azzawajal a donné l'attribut le plus important pour les croyants, c'est qu'ils croient en fait en quoi? En invisible. C'est-à-dire personne ne pourra rentrer réellement dans cette religion que s'il croit dans l'invisible. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ça c'est le premier sifa, c'est le premier en fait attribut que la personne doit avoir, c'est-à-dire croire en l'invisible. Croire en l'invisible. C'est pour ça qu'il y a le shir. جعله الله أول صفات المتقين التي ذكرها في قوله تعالى ensuite il mentionne le verset هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient en l'invisible. Donc croire en l'invisible, c'est le commencement et le début. Qu'est-ce que l'invisible? يقول الشيخ الغيب في اللغة كل ما غاب عن الإنسان, c'est tout ce qui est absent de façon générale. الغيب au niveau de la langue arabe, c'est tout ce qui est absent de la personne, tout ce qui est absent de la personne, c'est ce qu'on appelle el raïb. Ça, c'est ce qu'on appelle el raïb. Et au niveau du shar, qu'est-ce que veut dire en fait el raïb? يقول وفي الشرع كل ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي. Donc on voit en fait encore que le terme ici va être plus spécifique parce qu'il est employé à une fin législative. يقول وفي الشرع كل ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي. Au niveau de la législation, al-ghaib, l'invisible, c'est tout ce qui est absent de la personne et qu'il ne peut connaître que par la révélation. Tout ce que la personne, en fait, ne peut savoir, sauf par la révélation, ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, et qui est absent, bien sûr, de lui, qui est invisible de lui, ça, en fait, ça fait partie de quoi ? Al-Raib, ça fait partie du Raib, ça fait partie de... Et c'est le Raib, c'est en fait l'invisible. Ce qu'on traduit bien sûr par l'invisible, Al-Raib. Il va nous donner beaucoup d'exemples, le Cheikh. Il nous donne l'exemple en fait comme le début de la création. Le début de la création, on l'a connu à travers le Coran, on l'a connu à travers la Sunna du prophète. Si Allah et son messager ne nous avaient pas avertis et ne nous avaient pas informés comment la création avait débuté, on aurait pu le savoir. Donc c'est quelque chose qu'on a su... qui nous était invisible, que l'on a su grâce à quoi? Grâce à l'Wahi, qu'on a su en fait par rapport à la révélation. Il nous dit également par rapport à ce qui est arrivé aux autres communautés dans le passé, ça aussi ça rentre fil raïb, et ce qui va arriver aussi dans le futur, comme par exemple la sortie de Ya'juj ou Ma'juj, comme la sortie de la bête, et comme aussi la sortie du Al-Masih al-Dajjal, lorsque le Masih al-Dajjal, lorsque l'antéchrist il va sortir, tout ça fait partie des choses qui font partie du raïb et que l'on a en fait connu par information que par quoi? Que par la révélation. Et tout ce qui arrive aussi dans l'al-qubur, c'est-à-dire dans les tombes, que ce soit de son supplice ou que ce soit de son châtiment, de son supplice ou de son délit, Sarfwan, ça aussi, toutes ces choses-là, comment on aurait pu le savoir si on l'aurait pas su par la révélation? Ce qui arrive aussi après, bien sûr, après la mort, comme la résurrection, comme le regroupement, le hash ou le hisab, les comptes, wazn al armal, le fait de peser les actions, wa sirat, la passerelle qui se trouvera au-dessus de l'enfer, wal jannah, wal nar, c'est-à-dire le paradis et l'enfer, tout ceci, ça fait partie du raïb et on a pu le connaître que grâce à ce qu'Allah Azzawajal nous a informé dans son livre ou par la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit l'exemple al-malaika wal-jin. Bal, il nous dit le shir wa min al-iman bil-ghaib al-iman bi usul al-iman sitta al-mubayyana fi hadith Jibril al-mashhur wa ya al-iman billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yawm al-akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. Il nous dit parmi les bases même du ghaib, parmi les bases de l'invisible, la foi ou les six bases ou les six piliers de la foi qu'ils ont été mis en évidence dans le hadith que vous connaissez tous et qui est le hadith de Jibril. Et ce hadith là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par l'ange Gabriel et lorsqu'il lui a dit à Jibril, bien sûr c'est-à-dire qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que la foi. Il lui a dit donc la foi est que tu crois en Allah Azzawajal, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés au jour dernier et à la prédestination, qu'elle soit dans le bien ou dans le mal. Donc à partir de là, il nous a dit que ça fait partie des piliers, ça fait partie en fait al-iman bil ghaib, al-iman bi usul al-iman, c'est-à-dire as-sitta, c'est-à-dire que la foi dans l'invisible, c'est la foi dans ces choses-là. C'est croire en Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, personne n'a vu Allah. Pourtant, on y croit. On croit en Allah Azzawajal. Donc, c'est croire en l'invisible. Par rapport au al-malaika, également, personne n'a vu en fait d'ange, mais on croit aux anges. Par rapport à l'information qui nous a été donnée du prophète, par rapport aux informations qui nous a été données dans le livre, que ce soit kutubihi, que ce soit les livres, wa rusul, c'est-à-dire tous les envoyés, ceux d'avant, jusqu'au dernier Khatam al-Nabiyyin qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des envoyés, wal yawm al-akhir. Et il nous dit par rapport à ça, il nous dit le shaykh, fa innal iman bi asma'illah wa sifati wa af'ali wa ma'rifati 'ibadati kullu dhalika la yu'raf illa an tariq al-wahy min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire il nous dit que la foi dans les noms d'Allah, dans les attributs d'Allah, dans les actes d'Allah et la connaissance de son adoration, comment on va adorer Allah Azzawajal, tout ceci n'a été connu que par le moyen de la révélation, à travers le livre d'Allah et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il va nous donner les exemples par rapport à ces piliers. Et il a commencé donc par al-iman ou billah. Pour ce qui est d'al-iman bil malaika, c'est-à-dire l'origine de leur création, comment ils sont, quels sont les travaux dont ils sont chargés. Tout cela, on n'a pu le connaître que par la révélation. Exact, également pour ce qui est des rusul, pour ce qui est des envoyés, les connaître leur nom, connaître en fait leur communauté, qu'est-ce qui s'est passé entre eux et leur communauté, ça aussi ça fait partie de quoi? Du raïb. Connaître aussi les livres, c'est-à-dire les connaître leur nom, ceux qui ont été cités dans le Coran, ceux qui n'ont pas été cités, al-iman, al-mufassal, al-iman, al-mujmal, comme on l'a expliqué dans les cours de Tawhid. Ça aussi, ça fait partie de la foi dans l'invisible. Al-iman ou bil-yawm al-akhir. Et savoir ce qui va se passer dans la tombe, comme délice et comme supplice. Tout ce qui va arriver après, comme la connaissance du haoub, le bassin du prophète, al-hisab, les comptes, al-mizan, la balance, al-sirat, etc. Tout ceci fait partie du al-raib. Al-iman ou bil-qadari ou al-qadar. C'est-à-dire croire en la prédestination d'Allah Azzawajal. Ça aussi, ça fait partie de la foi en l'invisible. فإن كل ما كتب في اللوح المحفوظ مما سبق به قضاء الله وقدر لا يعلمه إلا الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا يعلم الناس والمقدر إلا بوقوعه أو بحصول الخبر بوقوعه في المستقبل من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire croire à la prédestination et que tout est écrit dans la table bien gardée, bien préservée, Allah al-Mahfouz, et que tout ce qui mima sabaqa bi qada'ullah, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit à l'intérieur, ça va arriver. Et donc tout ceci, il ne le connaît que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que Allah azza wa jalla veut qu'il arrive, il arrivera, et ce qu'il ne veut pas qu'il arrive, il n'arrivera pas. Et personne ne connaît ce qui était prédestiné, sauf au moment bien sûr où cette chose-là va advenir, où cette chose-là va arriver, ou par l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner dans al-mustaqbal, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé des choses qui vont arriver dans l'avenir et qui font partie du raïb. Ces choses-là, on n'aurait jamais pu les savoir si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous les avait pas informés. Donc ça fait partie aussi de quoi? Ça fait partie également de l'invisible. Et c'est pour ça, après tout ce qu'il nous a cité le shir, il nous a dit, comme je disais au début, il nous a dit c'est pour ça qu'Allah azza wa jal a cité le premier attribut dans le Coran, dans le mushaf, dans le livre que l'on lit, le premier attribut ou la première caractéristique des croyants, c'est quoi? C'est qu'ils croient dans l'invisible. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.